الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام ورتب على القيام به وافر الأجر وجزيل الإنعام وافر الأجر وجزيل الإنعام فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجمعين حج بيته الحرام إنه ولي ذلك والقادر عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن أساس السعادة والفوز والنجاح هو تقوى الله سبحانه وتعالى وهو خير زاد يبلغ العبد رضوان الله جل وعلا يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله بعد شهر وأيام قليلة سنعيش إن شاء الله تعالى رحلة عظيمة من جميع أنحاء العالم وفد الرحمن وفد الرحمن سيسافر إلى بيت الله الحرام لأداء طاعة عظيمة من طاعات الله عز وجل ومنسك كبير ألا وهو حج بيت الله الحرام فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام ففي الصحيح قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان فيجب أداء الحج لكل مسلم عاقل بالغ قادر ولا بد للمرأة المسلمة أن تسافر مع محرمها قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الحج أذن له خليل الرحمن أبو الأنبياء نبي الله إبراهيم عليه السلام قال جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الآيات وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة وأحاديث متضافرة على بيان فضل الحج ففي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج يهدم ما كان قبله وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فنسأل الله من فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الحاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحج طاعة عظيمة مباركة فيها تحقيق للإيمان والتوحيد، وفيها كمال في الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. عباد الله، إن الحاج إذا خرج من بيته يؤم بيت الله الحرام يخرج من محابه وملذه، كل ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره واتباعا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يترك وطنه، يترك أهله، يترك ذريته وأولاده، يخرج مهاجرا إلى رب العالمين، يخرج مهاجرا إلى رب العالمين، متواضعا له، متوكلا عليه، قلبه مليء بالرجاء فيما عند الله من مغفرة ومن تكريم ومن أجر، يرجو جنة الله ويخاف عقابه، يصل إلى الميقات فيتجرد من المخيط من اللباس كاشف الرأس لابسا إزاره ورداءه، ورداءه في هيئة متواضعة يستوي فيه الرئيس والمرؤوس والغني والفقير، ملبيا نداء الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شعاره في هذا السفر التلبية والإكثار من ذكر الله، التوحيد والتزود من تقوى الله عز وجل. أيها المسلمون، الحج من أفضل الأعمال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله وحده، إيمان بالله وحده، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. والتلبية يا عباد الله تعلمنا درسا عظيما كبيرا أيها المسلمون، ألا وهو الاستجابة لأمر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلبيك يا ربنا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء فريضة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges reviennent de droit à celui qui nous a rendu obligatoire l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam, à savoir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les louanges reviennent de droit à celui qui a accordé la plus grande des récompenses à toute personne qui accomplira le pèlerinage sincèrement à la recherche de son agrément, en conformité avec les enseignements du meilleur prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, celui qui accomplit le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah ne commet pas sans commettre de péché, sans commettre de perversion, il reviendra de ce voyage, il reviendra du pèlerinage, tel que sa mère l'a mise au monde, c'est-à-dire lavé de tout péché, purifié de toute faute. Et je témoigne qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Allah seul sans associé, et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Serviteur d'Allah, craignez Allah tabaraka wa ta'ala en accomplissant ce qu'il vous a ordonné et en vous éloignant de sa désobéissance. Et sachez que la meilleure des provisions que vous pouvez emporter avec vous de ce bas monde vers l'au-delà est la piété. En effet, Allah nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, et prenez vos provisions, et certes la meilleure des provisions est la piété, et craignez-moi, ô vous les gens doués d'intelligence. Chers frères, dans un peu plus d'un mois, nous allons suivre et nous allons voir les gens, les musulmans voyager du monde entier, ceux à qui Allah Azza wa Jal aura accordé cette noble invitation. On les verra voyager du monde entier, tout cela pour viser la demeure sacrée d'Allah Azza wa Jal, Mecca et ses alentours, tout cela afin d'accomplir les rites du pèlerinage. En obéissance à Allah Azza wa Jal, en signe de suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en espérant la grande récompense d'Allah Azza wa Jal, son paradis et un pardon, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire l'accomplissement du pèlerinage une fois dans notre vie, après avoir atteint la puberté. Et il en a fait le cinquième pilier de l'islam. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam repose sur cinq, c'est-à-dire cinq grands fondements. Et il a cité parmi ceux-là l'accomplissement du pèlerinage à la maison sacrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la grande importance du pèlerinage et son caractère obligatoire. Lorsqu'il nous dit, ô vous les gens, certes Allah vous a rendu obligatoire le pèlerinage, accomplissez-le donc. Alors un homme a dit au messager d'Allah, chaque année, il n'a pas répondu, il a insisté puis il lui a dit, non. Et si j'avais dit oui, cela le serait devenu, c'est-à-dire obligatoire chaque année, mais une fois seulement suffit. Une fois dans la vie du musulman, il nous faut voir ce pèlerinage. Le pèlerinage est une obligation pour chaque musulman, doué de raison, ayant atteint l'âge de la puberté ou la puberté, ayant la capacité. On ajoute une condition d'obligation pour la femme, c'est la présence d'un homme de sa famille qui l'accompagnera. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé une sourate qui s'appelle Suratul Hajj. Et dans différents passages du Coran, on trouve également la mention du Hajj. Comme dans Sourate Ali Imran, la traduction de ce verset, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, c'est-à-dire la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Allah se passe largement des mondes. C'est donc une obligation que d'accomplir le pèlerinage. Et nous n'avons pas le droit de dire j'irai l'année prochaine si on a les moyens cette année. Ou bien dans deux ans, ou bien j'attends telle ou telle personne. Non, personne n'attend personne pour le paradis. Personne n'attend personne pour se sauver de l'enfer. Nas'alullah Azza wa Jal, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous écrire le pèlerinage à la maison sacrée. Aussi, celui qui accomplit le pèlerinage répond à l'appel au adhan d'Ibrahim alayhi salam. Allah Azza wa Jal lui a ordonné de faire l'adhan. Et lorsqu'on prononce la talbiya, nous répondons à cet appel. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Ainsi, le pèlerin répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et très nombreux sont les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui nous montrent le mérite d'accomplir le pèlerinage et les grandes récompenses prévues chez Allah subhanahu wa ta'ala pour le pèlerin. À titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: le pèlerinage détruit tout ce qui est passé, c'est-à-dire comme péché et faute. Le pèlerinage efface tout ce qui est passé, c'est-à-dire comme péché et comme faute. Il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, d'une umrah à une autre, on vous efface les péchés. Et le pèlerinage, correctement accompli, n'a d'autre rétribution, n'a d'autre récompense, si ce n'est le paradis. Si ce n'est le paradis. Le prophète alayhi salatu wa salam nous informe également que le pèlerin est un invité d'Allah. Allahu Akbar. Le pèlerin est l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala et une délégation qui sera récompensée et honorée par Allah. Il nous dit: le pèlerin et celui qui accomplit la Amra sont une délégation chez Allah. Il les a invités, ils lui ont répondu, ils lui ont immédiatement répondu, et ils lui ont demandé, et il les a exaucés. Ainsi le pèlerin voit ses invocations exaucées chez Allah subhanahu wa ta'ala, et il se voit honoré et élevé chez Allah tabaraka wa ta'ala. Le pèlerinage est une adoration des plus belles, des plus profitables, des plus bouleversantes dans la vie du croyant. Il y concrétise la foi et le monothéisme pur. Il y concrétise l'avilissement et le rabaissement chez Allah, ou bien devant son Seigneur Allah. Son cœur se fragmente et s'humilie devant la grandeur de son Seigneur. Il ne cesse d'avancer pas à pas vers la récompense et le pardon d'un Seigneur pardonneur et miséricordieux, généreux. Il ne cesse d'avancer à partir du moment où il sort de chez lui, et pour chaque pas on lui inscrit une récompense, pour chaque pas on lui efface un péché, pour chaque pas on l'élève d'un degré. Puis lorsqu'il arrive, ou avant cela en sortant de chez lui, il fait ses au revoir ou ses adieux peut-être à son épouse. Il délaisse les gens qu'il aime pour celui qu'il a aimé au-dessus de tout, Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'éloigne de son épouse. Il dit au revoir à ses enfants, à ses proches et ses parents. Tout cela pour se diriger vers Allah azza wa jal. Il quitte ce bas monde pour s'élever vers l'au-delà. Il fuit vers le refuge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il délaisse ce qu'il aime à la recherche de ce pourquoi il a été créé, concrétiser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'humilie et se rabaisse devant le Seigneur et Maître des mondes. Arrivé au miqat, il se déshabille et enlève ses beaux vêtements. Il enlève ce qu'il porte sur la tête et met le izar, le vêtement qui couvre la partie inférieure du corps. Et il met le rida, le vêtement qui couvre la partie supérieure du corps. Et il dit labbaik Allahumma amra aw hajj. Et il prononce la talbiya. Il répond à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Et tu vois ici l'ensemble des pèlerins égaux, le gouverneur comme le gouverné, le riche comme le pauvre, ils sont tous vêtus de la même manière, et personne ne se distinguera d'un autre, si ce n'est avec la piété, si ce n'est avec l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tous répondent à l'appel d'Allah azza wa jal prononcé par Ibrahim alayhi salam, et ils disent labbaik Allahumma labbaik, nous répondons à ton appel, ô Allah. Nous répondons à ton appel, tu n'as pas d'associé. Certes, toutes les louanges, la royauté t'appartiennent, tu n'as aucun associé. Et durant la plupart de ses déplacements, il prononcera cette parole pour montrer au combien il répond à l'appel de son bien-aimé Allah tabaraka wa ta'ala. Le pèlerinage est une des meilleures actions. Le prophète alayhi salatu wa salam a été questionné: ô messager d'Allah, quelle est l'œuvre la plus méritoire? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: la foi en Allah, seul sans associé. Et après cela, un pèlerinage parfaitement accompli. Ceci est meilleur que toutes les actions et ce sur quoi le soleil s'est levé de l'Orient jusqu'à l'Occident. Il prononce la talbiya et il répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il espère sa récompense. Et là, une grande leçon qu'on tire du pèlerinage. Une grande leçon qu'on tire du pèlerinage. C'est que lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a invités au pèlerinage, nous avons répondu avec la talbiya en disant la baik Allahumma la baik. Ô toi qui as déjà accompli le pèlerinage, ô toi qui t'appelles à répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal, tu réponds la baik Allahumma la baik. Et ici une question qu'on doit tous s'adresser: mais qu'avons-nous répondu à l'appel d'Allah pour la prière du Fajr? Qu'avons-nous répondu à Allah Azza wa Jal pour l'appel de la prière du Zohr, pour l'appel de la prière du Jumu'ah, du Asr, du Maghrib et du Isha à la mosquée? Qu'avons-nous répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal lorsqu'on nous a appelé à s'acquitter de la zakat? Qu'avons-nous répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal pour la prière à la mosquée et le fait de dépenser pour construire une mosquée? Qu'avons-nous répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal pour le jeûne de Ramadan, pour l'accomplissement du pèlerinage? Qu'avons-nous répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal? Ô toi, chère mère, ô toi, chère sœur, ô toi, chère fille, qu'as-tu répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il t'ordonna dans le Coran de porter le vêtement de la piété, de porter le djilbab? Ô toi, le jeûne, qu'as-tu répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal lorsqu'Allah Azza wa Jal t'a appelé à la chasteté, à baisser le regard et à préserver ta partie, si ce n'est dans le mariage? Ô toi, le musulman, qu'as-tu répondu à l'appel d'Allah lorsqu'il t'a interdit le shirk, lorsqu'il t'a interdit le vol et le mensonge et la trahison? On doit se poser ces questions dans tous les ordres d'Allah et devant chaque interdit. Très nombreux sont les mérites du pèlerinage, mais on doit en sortir avec ces leçons. Nous devons en sortir avec ces leçons. On doit accourir à l'accomplissement du pèlerinage. Ne repoussez pas cela. Qui de nous sait s'il sera vivant l'année prochaine? Qui de nous sait s'il sera en bonne santé l'année prochaine? Les compagnons nous rapportent que l'appel a été fait et qu'on a annoncé que le prophète alayhi salatu wassalam, après 9 années d'attente, allait accomplir le pèlerinage, celui qu'on surnomme Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu, car peu de temps après cela il est décidé. Et durant ce pèlerinage, il faisait ses adieux à ses compagnons. Le compagnon nous dit: alors les gens ont déferlé de toutes parts, alors les gens sont venus de toutes parts et de toutes contrées, à pied et sur dos de monture. Ils étaient plus de 100 000 personnes à accompagner le prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit: il y avait des gens devant lui, il y avait des gens derrière lui, il y avait des gens à sa droite et à sa gauche. Tous espéraient le prendre pour exemple, pour accomplir le pèlerinage. Craignez Allah Azza wa Jalla et empressez-vous d'accomplir le pèlerinage. Wattakullah, ya ibadallah, wa sallillahumma wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحم امهاتنا اللهم ارحم امهاتنا اللهم ارحم امهاتنا اللهم اكتب لنا اجمعين حج بيتك الحرام اللهم اكتب لنا اجمعين حج بيتك الحرام ولا تجعل بيننا وبين حج بيتك الحرام عائقا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.